20e chapitre, le château du Laz. Revenons maintenant à Dugranec, que nous avons vu partir de Quimper avec son ami Kérolin. Il se rendit sur le champ au château du Laz, qu'habitait toujours son père. Le comte de Pratmaria était dans une grande inquiétude au sujet des bruits qui couraient sur la capitale de la Cornouaille. Les alarmistes et les faiseurs de nouvelles, si terribles et si dangereux à toutes les époques, assurait que Quimper avait été pris par la fontenelle et que celui-ci, après avoir passé les habitants au fil de l'épée, y régnait en maître. Qu'on juge des angoisses de ce bon père en apprenant ces affreuses nouvelles. Aussi, malgré son âge avancé, avait-il résolu de ne pas rester plus longtemps dans l'incertitude et de partir lui-même pour vérifier si ces malheurs avaient eu lieu. Le lendemain, au moment où il s'apprêtait à monter à cheval, Dugranec entrait dans la cour du château. Cette vue soudaine causa au vieillard une joie si vive qu'il faillit se trouver mal entre les bras de son fils. Quand le comte fut remis de son trouble, Dugranec lui raconta tout ce qui lui était arrivé pendant son absence. En faisant ce récit, il se montra tellement modeste qu'il s'effaça pour ainsi dire et déclara que Quimper ne devait son salut qu'au sang-froid et à l'intrépidité de Kérolin. Le comte remercia le ciel de ce qu'il avait bien voulu encore lui conserver son fils, en permettant qu'il échappât à la vengeance de la fontenelle. Il supplia ensuite Dugranec de ne plus le quitter, quelque chose qu'il arriva, et de rester près de lui pour protéger sa vieillesse, car depuis quelque temps, il sentait que les pénibles émotions qu'il avait éprouvées avaient ébranlé sa santé, et que seul, il lui serait désormais impossible de résister à de nouveaux chagrins. Dugranec, vivement touché, promit à son père de demeurer à l'avenir au château du Laz. Il tint sa promesse et resta sous le toit paternel, s'occupant à la chasse et à la pêche avec ses amis et passant l'autre partie de son temps à songer à Clara, sa bien-aimée, qu'il n'avait revue que deux fois depuis le soir où il lui avait déclaré son amour. Bien souvent, Amaury avait fait espérer au comte de Pratmaria qu'il viendrait passer quelques jours au Laz avec mademoiselle de Locquevel, mais jamais il n'avait mis ce projet à exécution. Dugranec, commençant à perdre patience, avait résolu de solliciter de son père la permission de se rendre au château de Beaumanoir pour demander au baron la main de Clara. Peu de jours après, ayant obtenu ce consentement, il allait se mettre en route quand il apprit la nouvelle du sac de Pontcroix. Il n'eut pas de peine à comprendre que, pour le moment, il fallait encore renoncer à ce voyage et remettre sa visite à des temps plus opportuns. Tout en donnant 1000 malédictions à Guébert, il se résigna à endurer ses cruels ennuis. Plus tard, il eut connaissance de tous les événements qui eurent lieu en Bretagne, et son étonnement fut grand en apprenant que non seulement la fontenelle avait été comprise dans l'amnistie générale, mais encore qu'il avait été créé par le roi, capitaine de 50 hommes et gouverneur de Douarnenez. Bientôt, enfin, pour la seconde fois, Amaury informa le comte de Pratmaria que, très prochainement, il effectuerait son projet de voyage. Une semaine après la réception de cette lettre, par une belle soirée du printemps, le baron et Clara arrivaient au Laz. Au moment même où les deux voyageurs, accompagnés de quelques domestiques, mettaient pied à terre dans la vaste cour du château, Dugranec, bien loin de se douter de leur venue, était assis à l'extrémité de la pelouse qui s'étendait en avant de l'édifice principal. Là, sous un massif de lilas, il se livrait à ses rêveries habituelles et souriait de bonheur en voyant son pays délivré des maux qui l'avaient affligé pendant si longtemps. Il espérait enfin voir luire le jour où il reverrait sa chère Clara. En entendant la voix si connue de Beaumanoir, il se leva tout ému et, sortant de dessous les lilas, il aperçut mademoiselle de Locquevel qui s'avançait appuyée sur le bras du baron. En allant à leur rencontre et en jetant les yeux sur cette jeune fille si belle, il éprouva comme un vertige et il resta ébloui de sa beauté et de la noblesse de son maintien. Un instant même, il se sentit chanceler sous le poids de cette émotion. Mais il se remit bientôt, et après avoir salué Clara, il s'élança vers le baron qui, pâle et tremblant, lui tendait les bras. Tous deux s'étreignirent avec effusion, jusqu'au moment où Pratmaria, survenant tout à coup, vint mêler ses étreintes à celles de son fils et de son ami. Après ces épanchements bien naturels, le comte, ayant présenté ses hommages à Clara, fit passer ses hôtes dans la grande salle basse où le couvert était mis pour le souper. Le repas fut triste et assez silencieux, malgré quelques saillies échappées à mademoiselle de Loquevel et malgré les efforts que fit Dugranec pour entretenir la gaieté et empêcher que Beaumanoir ne retombât dans ses sombres pensées. On ne parla point de la Fontenelle, mais on s'entretint longuement des fêtes qui avaient eu lieu à Nantes, à l'occasion du séjour du roi dans cette ville. Dès qu'on se fut levé de table, Prat Maria mena Beaumanoir et Clara promener dans son jardin, qui était vaste et tracé, avec beaucoup de goût. Il ne voulut pas que cette promenade se prolongeât trop longtemps, car il savait ses hôtes fatigués de leur voyage. Aussi fit-il en sorte que l'on se séparât de bonne heure, au grand mécontentement de Dugranec, qui ne pouvait se lasser de la conversation pleine de charme de sa fiancée. Enfin, le signal de la retraite ayant été donné, chacun se retira dans son appartement.